Hey, I can't find that on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Protestante pour ce 31e épisode de La Mécanique des Ondes. Le concept, vous le connaissez, trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois la directrice d'antenne de France Inter, Laurence Bloch. Laurence Bloch, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Fréquence Protestante. Merci. Première question traditionnelle de l'émission, vous êtes au micro d'une radio associative, j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Alors, écoutez, ça me rappelle les souvenirs de mes tout premiers pas à la radio. Je pense que ça remonte à il y a bientôt 40 ans, où j'étais dans une émission qui était le magazine du matin de France Culture, et où il y avait énormément de sujets et d'intérêts pour tout ce qui était associatif, et notamment radio associative. Vous savez, c'était... Moi, j'ai commencé comme stagiaire à la radio en 78, donc c'est quasiment la préhistoire. Mais en 81, il y a eu comme ça une effervescence, une efflorescence de radios associatives. Et on faisait le tour comme ça des radios qui étaient créées, qui se créaient d'ailleurs, qui disparaissaient. Mais j'ai le souvenir, et aussi alors de radios associatives et d'associations tout court, c'est-à-dire d'un mouvement comme ça, de la société extrêmement vivante. Et donc, oui, de beaucoup de reportages avec mon petit Nagra dans des lieux qui n'étaient pas, comment dire, technologiquement performants, mais où il y avait une énergie absolument formidable. Alors, vous me parlez de 78 où vous étiez stagiaire à France Culture. Je reviens un petit peu avant. Pourquoi être devenue journaliste, tout simplement? Alors, d'abord, je vais vous dire, je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas ma carte. Je pense que le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire que j'avais un père qui était très exigeant et il avait raison parce qu'il considérait que les filles devaient avoir un métier pour être indépendantes. Et donc il était très scrupuleux sur le succès qu'on pouvait avoir dans nos études. Et d'une certaine façon, je pense que j'avais dans la tête l'idée effectivement de faire du journalisme, c'est-à-dire de me préoccuper du monde, de pouvoir l'arpenter et de rencontrer des gens. Mais c'est une chose que je ne pouvais pas formuler auprès de mon père parce que c'était un métier trop aléatoire. Donc j'ai contourné, j'ai fait des études un peu compliquées, j'ai fait Hippocagne-Cagne en prétendant que je ferais l'école normale, que je ne pensais pas du tout faire parce que je voulais pas être prof. Donc je me suis débrouillée pour, après Cagnes, dire que c'était trop lourd, bifurquer, faire une maîtrise d'anglais. Avec ma maîtrise d'anglais, j'ai continué comme ça à bifurquer, c'est-à-dire que j'ai dit qu'au fond, des études généralistes, c'était bien aussi, donc j'étais à Sciences Po. Et tout ça pour mon père, c'était des marqueurs d'un métier sérieux qui pourrait être peut-être l'ENA, la fonction publique, bon... Donc j'ai fait Sciences Po, mais pas du tout le Sciences Po qui pouvait m'amener à l'ENA, le Sciences Po qui était, si je me souviens bien, la section politique, économique et sociale. Et puis j'ai eu mon diplôme, j'ai fait du droit en même temps. J'avais du mal quand même à me décider. J'ai pas demandé à faire une école de journalisme. J'ai tenté l'ENA parce que j'aimais beaucoup Sciences Po. Je trouve que Sciences Po c'était une école qui vous ouvrait à énormément de matières, qui vous rencontrait beaucoup de gens de terrain. C'est là que j'ai rencontré Alain Manvi, qui était journaliste à Radio France et qui nous a dit « Mais tiens, celles et ceux qui ont envie de faire un stage à la radio cet été, moi je peux vous aider. » Et c'est là que tout a commencé. Et au fond, c'est en entrant à Radio France, en entrant dans les studios, en entendant... Moi, il y a eu quelque chose de magnétique quand j'entendais les voix qui se croisaient. Moi, j'ai fait un stage très difficile, dans un milieu très difficile, qui était le 7-9 de France Inter, où il y avait celle qui tenait le 8h, c'était Arlette Chabot. Il y avait des personnalités, il y avait beaucoup d'hommes. On regardait peu les femmes et encore moins les stagiaires. Mais il s'est passé quelque chose quand même, je dois dire, quand le rouge s'allume et que tout d'un coup, les voix existent et qu'au fond, à la radio, on recrée ce qu'est le monde. Là, il y a quelque chose où je me suis vraiment dit, c'est quand même là que j'ai envie d'être. Et il se trouve que j'ai eu à choisir entre continuer mes études et partir aux États-Unis, faire une école de relations internationales. Je crois que c'était la Fletcher School qui était assez prestigieuse. Et... être stagiaire, enfin petite main, on va dire, sur le magazine de France Culture le 7-9, et j'ai choisi cette voie-là. Je sais pas comment je me souviens pas, parce que je pense que c'était comment j'ai annoncé ça à mes parents. Mais enfin, je l'ai fait et c'est passé. Voilà. Donc et je n'ai jamais fait d'école de journalisme et je vais dire quelque chose de choquant, mais je vais le dire quand même. Je pense que c'est bien aussi parce que les écoles de journalisme apprennent un métier. Évidemment, mais formate beaucoup. Je pense que la radio ne peut pas être faite qu'avec des journalistes. Je pense que c'est aussi un métier artistique. Il y a les journalistes, il y a l'information, il y a l'intégrité de l'information. Mais la radio, c'est autre chose. La radio, c'est comme de fabriquer un tableau, c'est comme de fabriquer une mise en scène. C'est un métier artistique. Oui, et puis de par vos études, vous êtes ouverte sur voilà toute la culture générale, etc. Et ça vous a apporté finalement beaucoup. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à avoir du raisonnement. Ça m'a aidé à avoir une ouverture à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il y avait le monde de la culture, mais il y avait les questions sociales, les questions internationales. Ça, je pense qu'on a besoin de gens à la radio qui sont des gens qui ont fait des études. C'est-à-dire qui ont des instruments au service du décryptage du réel. Très important. Et donc, du coup, cette expérience en tant que stagiaire, donc, à Radio France, vous apprenez la technique journalistique, même sur le terrain. Je vais vous raconter, c'est mon premier reportage. Donc, c'était pour ce magazine qui s'appelait Les Matinales de France Culture. Je suis partie faire un reportage sur la JOC. La jeunesse ouvrière chrétienne. D'accord. On n'en entend plus. À ce moment-là, c'était très important, mais c'est des mouvements justement très importants qui structuraient la société. Je suis partie avec une jeune femme qui s'appelait Dominique D'Ambert. On est partie avec un truc qui s'appelait Nagra. Je savais absolument pas comment ça marchait. C'est le journaliste d'RTL qui m'a mis les bandes, parce qu'à ce moment-là, on mettait les bandes. Et on a fait un premier reportage. Je sais même pas comment on a réussi à le faire. Donc j'avais fait des études, mais moi, j'ai appris mon métier sur le tas. Et il faut apprendre son métier sur le tas. C'est très important. Moi, je l'ai appris quand même. J'ai appris mon métier pendant une bonne dizaine d'années sur le tas, en étant salarié, intermittent, au cachet, jusqu'au moment où, en 87, donc, on m'a proposé pour la première fois de prendre la responsabilité d'une émission qui s'appelait Le Pays d'ici. Eh ben, ça va être le moment de la première pause musicale. Laurence Bloch, vous avez choisi quoi pour cette première pause? Alors, un jeune groupe anglais que je trouve formidable, qui s'appelle Les Falls, et je trouve qu'il y a une énergie absolument phénoménale. Donc, quand j'ai une petite baisse d'énergie, je me mets ce disque-là dans mon bureau. Now we don't need the city, the creed or the culture now. The Falls avec My Number. C'est le premier choix de Laurence Bloch dans La Mécanique des Ondes, toujours sur Fréquence Protestante. Laurence Bloch, on vous a laissé en 1987. Vous deveniez productrice donc de l'émission Les Pays d'ici sur France Culture, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Le Pays d'ici, voilà. C'était une émission qui avait été lancée par Jean-Marie Borzex quand il était arrivé directeur de France Culture en 1984. Et c'est une émission très compliquée à faire et absolument passionnante parce que toutes les semaines, on s'installait dans une région différente. Quand je dis une région, c'était une ville, un village, une ville moyenne, une banlieue, une grande ville. Et il s'agissait d'écouter en direct la façon dont les habitants de cette ville, de cette région, de ce pays, vivaient, rêvaient, se logeaient. Et c'était très passionnant parce qu'on entendait vraiment la respiration de la France, vous voyez. Moi, j'ai des souvenirs très forts, par exemple, à Frémin-Merlebach, qui était une petite ville en région Lorraine. Toutes les mines venaient de fermer et là, on sentait vraiment le désarroi des habitants, de voir tout ce qui avait, comment dit, tenu leur vie s'effondrer. Et Frémin-Merlebach, par exemple, c'est l'une des villes où le Front National a fait un plus gros score, vous voyez. On allait aussi dans des régions où on ne va pas parce qu'il n'y a pas d'actu, la région de l'Auvergne, par exemple, où on entendait aussi les gens nous raconter ce qu'était leur vie, ce qu'ils espéraient. Et puis on pouvait être aussi, on a fait énormément, on s'est installé aussi beaucoup dans les banlieues, où il y avait, alors il n'y avait pas les difficultés que connaissent aujourd'hui un certain nombre de villes, de banlieues, avec les questions de la délinquance, du deal, du chômage, mais ça pointait déjà. Et en même temps, il y avait une énergie absolument extraordinaire dans toutes ces banlieues. Il y avait des jeunes, il y avait de l'envie de créer, il y avait de l'envie d'exister, il y avait de l'envie de trouver du boulot, il y avait l'envie d'être partie prenante de la société. Donc, c'est une émission qui a existé, elle a existé longtemps, 1987, je crois, 2000, oui, je vous dirais bien 2007. 1997. Et c'était une expérience de radio très enrichissante, tout à fait formidable. On faisait ça avec une équipe, parce qu'évidemment, il fallait qu'on tourne. Il y avait une dizaine de producteurs, on était avec les techniciens. On avait un petit car studio qu'on installait dans les zones piétonnes. Et on faisait de la radio vraiment sur le vif, quoi. Je trouve que c'était une expérience de radio formidable. Alors, pour les auditeurs, rappelez ce qu'est être productrice ou producteur. Producteur, c'est proposer les idées et les assumer à la radio. C'est-à-dire, quelle que soit la thématique de votre émission, c'est vous qui allez en donner l'angle, c'est vous qui allez en donner la personnalité, c'est vous qui allez signer l'éditorial. Il y a mille façons de faire une émission littéraire, par exemple. Soit un grand interview, soit une table ronde, soit un débat de critique, soit des lectures. Le producteur, il est délégué parce qu'on considère que c'est lui qui est la personnalité la plus appropriée au projet qu'on a envie d'exister, de voir exister à long terme. Et c'est lui, après, qui est le créateur, le signataire, l'inventeur de la forme et de l'esprit de l'émission. Et ça, on vous l'a proposé ou c'est vous qui l'avez proposé, en fait, à ce moment-là ? Ah non, en général, c'est quand même la direction qui propose. Après, vous pouvez, modifier le contrat qu'on vous a donné, c'est-à-dire lui donner une autre impulsion. Mais là, c'est vraiment le producteur qui portait cette émission avait décidé d'arrêter. Et le directeur de la station, Jean-Marie Borzex, m'a proposé de reprendre cette émission. Alors après, moi, je l'ai changé. C'est vrai que le producteur qui la tenait faisait le portrait d'une France un peu éternelle, plutôt, on va dire, rurale, patrimoniale. Bon, moi j'ai dit, il faut parler de la France d'aujourd'hui, donc j'ai installé le car studio dans les banlieues, je l'ai installé dans les endroits où il y avait du conflit social, je l'ai installé dans les friches industrielles. Voilà, c'est ça un producteur, c'est quelqu'un qui éditorialise, qui signe un projet, qui lui donne une personnalité et qui fait exister son émission. Parce que les gens, moi ça m'amuse toujours beaucoup parce que quand je vais dans des dîners en ville ou dans des dîners tout court, les gens ont toujours une idée de ce qu'il faut faire à la radio. C'est-à-dire que pour eux c'est très simple, on parle dans un micro, donc il suffit juste de parler dans un micro et on fait de la radio. C'est bien plus compliqué que ça, la radio. La radio, c'est, je disais, il y avait un maître pour nous tous qui s'appelait Yann Parentoen à la radio, qui était un extraordinaire preneur de son et qui a fait vraiment des œuvres radiophoniques. Et par exemple, il avait fait le portrait d'une femme de ménage qu'on a tous connue, les gens de ma génération, à la radio, pendant une heure et demie. C'était du cinéma sonore. Et Yann disait, la radio, c'est comme un tableau. Tu mets une touche de bleu, tu mets une touche de jaune, tu mets une touche de rose, tu composes. Et la radio, c'est de la composition, c'est de la création. Aussi bien au niveau d'une grille que d'une émission. Si vous vous enquillez des émissions littéraires sur une matinée, vous perdez vos auditeurs. Si vous mettez de la littérature à 7 heures le matin, vous perdez vos auditeurs. En revanche, si vous trouvez la bonne place et la bonne personne pour l'incarner, France Inter, Guillaume Gallienne, je veux dire, formidable. Il incarne vraiment ce qu'est la littérature, la beauté du texte, l'intelligence du texte, l'esprit. Donc c'est pas du hasard, c'est pas simplement on ouvre le micro, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus créatif. Et de composé. Voilà. Et je pense que le directeur d'une station, c'est comme un directeur de troupe. Il faut pas qu'il se trompe dans la distribution. Et ensuite, à chacun de jouer sa partition dans la plus grande liberté et en étant à l'antenne ce qu'on est dans la vie. Ça, j'y crois beaucoup. Alors, vous restez combien de temps productrice des Pays d'ici? Alors, j'ai fait le Pays d'ici du temps du producteur d'avance sans en avoir la responsabilité. Donc, en fait, je fais des émissions jusqu'en, je crois, le Pays d'ici naît en 1984. J'en fais jusqu'en 87 en tant que productrice déléguée. Et je porte l'émission de 87 à 97, mais en ayant une autre casquette assez vite, qui est de conseiller de programme et ensuite de directrice adjointe du directeur de France Culture. Alors, ça, voilà. C'est concomitant. On vous appelle pour faire ça ou vous, ça vous titille dans un sens? Ah ben non, mais là, c'est Jean-Marie Borzac qui me propose un jour de devenir conseiller de programme et qui me dit, si vous êtes conseiller de programme, vous abandonnez l'antenne. Oui, alors. Assez vite. Donc, j'hésite beaucoup et je me dis, bon, va voir ce que c'est conseiller de programme et puis si ça va pas, tu reviendras à l'antenne et puis de toute façon, au bout d'un an, tu changeras, etc. Et puis, au fond, d'abord parce que j'avais beaucoup d'estime et j'ai beaucoup de reconnaissance à l'égard de Jean-Marie Borzac qui m'a appris ce que c'était que la fonction, parce que c'est une fonction de direction. Et que, au fond, j'y ai retrouvé d'une certaine façon ce que j'aimais quand j'étais productrice. C'est-à-dire ce que je vous disais, ce travail de composition. C'est-à-dire, vous travaillez pas sur un espace-temps assez limité, mais vous travaillez sur une grille. Et vous avez les mêmes fonctions de composition, de répertoire, de distribution. Et au fond, j'aime beaucoup ce travail de direction. Oui, je trouve que c'est pas un métier facile. Parce qu'il faut savoir dire non quelquefois, qu'il faut savoir faire partir des gens et que c'est très difficile. Mais je trouve que d'une certaine façon, voilà, vous avez une troupe, vous avez un répertoire, vous avez un public et vous travaillez avec du collectif. Et voilà, bah, du coup, j'ai jamais quitté. Si, je l'ai quitté pendant un temps parce que quand Jean-Marie Borzac a été remercié, je considérais que je n'avais pas à travailler, même si la personne qui l'a remplacé avait toute la légitimité à le remplacer, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un petit écart. Donc, je suis revenue à la production et pendant, je sais pas, 2-3 ans. Et ensuite, je suis redevenue directrice adjointe avec Laura Adler, avec David Kessler, avec Bruno Patino et avec Philippe Val. Alors, l'antenne ne vous manquait pas, même donc non. Pas du tout. Non. Elle m'a manqué pendant la première et la deuxième année. Et ensuite, non, pas du tout. L'adrénaline ne vous manquait pas? L'adrénaline du direct, l'adrénaline du micro. Non, c'est une autre adrénaline que... Non, ça ne me manquait pas. Mais en même temps, on me dirait, vous n'êtes plus directrice demain et on vous propose pendant un certain temps de reprendre l'antenne, je le ferai avec plaisir. D'accord. Ça peut m'arriver. Hein. Oui, on ne sait jamais. Justement, alors, à France Culture, quand vous revenez à la direction de France Culture, quels sont les défis à ce moment-là de cette grille et, Le défi, c'est vraiment Jean-Marie Borzac qui l'a articulé intellectuellement et pour de vrai. Et il y a eu une vraie bataille, c'est-à-dire, il a dit, quelque part, il faut que cette radio soit dans la vie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être seulement dans la transmission du savoir, elle doit être dans le monde des idées et elle doit avoir une position par rapport à la façon dont fonctionne le monde. Et par ailleurs, elle doit obéir à des règles qui sont des règles qui valent pour toutes les radios, c'est-à-dire le matin, c'est une antenne en direct qui parle de ce qui se passe dans le monde à sa façon, avec des entretiens qui sont longs, des intellectuels, des experts, mais il faut que cette radio redevienne une radio de direct, ce qui n'existait pas du tout. Tout était enregistré et il faut qu'elle prenne position sur la façon dont les gens vivent, sur la façon dont les gens réfléchissent, sur la façon dont tourne le monde. Et il a demandé aussi à ce qu'il y ait des émissions en public. Donc tout ça, c'est vraiment une petite révolution parce que du temps d'Yves Jégu, qui était un très grand intellectuel, mais Yves Jégu, ce qui l'intéressait, c'était les mouvements de la pensée, et le patrimoine. Tout était enregistré. Et Jean-Marie Borzac, ça fait entrer France Culture dans le monde contemporain. Et je pense que c'est lui qui a fait en sorte que cette chaîne existe encore aujourd'hui. Oui, donc ce dynamisme, vous êtes... Je l'ai accompagné avec joie, plaisir, fierté, intérêt. Enfin, ça m'a absolument passionnée. D'accord. La deuxième pause musicale, Laurence Bloch, quelle est-elle ? Alors, c'est Benjamin Biolay, Vanessa Paradis. D'abord parce que je pense que Benjamin Biolay est un extraordinaire compositeur et un très bel interprète. Moi, j'adore Vanessa Paradis. Je trouve qu'elle a aussi une présence extraordinaire de force et de fragilité. Et ce que j'aime beaucoup dans ce duo, c'est cette voix d'homme et de femme. Je pense que dans le monde, il y a des voix d'hommes et des voix de femmes. Et je pense que la radio doit venir à faire en sorte qu'il y ait autant de voix de femmes que de voix d'hommes. Donc pour moi, c'est la plus belle incarnation de ce que devrait être la radio très vite, là, dès l'année prochaine. La fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens ou si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart. C'est un mystère. C'est vrai, je dois bien finir quelque part, loin de tes terres, de ta mémoire. Je voulais juste te dire au revoir, juste une dernière fois te revoir. Avant que j'erre, que je m'égare. Le rempart de Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, c'est le deuxième choix de Laurence Bloch, qui est notre invitée de cette 31e Mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Laurence Bloch, en 2010, vous rentrez à France Inter. Oui, et mai 2010. Exactement. Pourquoi, comment ? Pourquoi, comment ? Alors, écoutez, Jean Lucas, qui était président de Radio France... En novembre 2009, vient me parler un jour très gentiment. Il me dit « Alors, comment tu vas ?» etc. Je dis « Écoute, je vais bien, mais j'adore France Culture, tu vois, mais être l'adjointe du 4e ou 5e directeur, là, je craque. Parce que, quelque part, c'est quand même une position très compliquée où, en gros, je connais la chaîne par cœur, je transmets ce que je peux transmettre. » Mais en même temps, c'est une position compliquée. Il me dit, mais non, mais écoute, j'ai besoin de toi, tu connais bien, c'est compliqué. Mais comme tu as une très bonne oreille radiophonique, écoute donc France Inter et fais-moi un petit rapport d'écoute. Très bien. Donc, j'écoute France Inter, je fais un petit rapport d'écoute, je lui dis ce que j'en pense, ce qui me semble manquer, ce qui me semble formidable. Et il me dit, et il lit mon rapport, il me dit, écoute, il y a des choses très pertinentes. Moi, j'aimerais bien que tu rencontres Philippe Val. Est-ce que tu le connais? Je lui dis, écoute, non, je le connais pas du tout. Ben, il me dit, écoute, va donc déjeuner avec lui, parle-lui radio. T'es une grande professionnelle. Lui, c'est un grand intellectuel et c'est important qu'il soit sur Inter, mais il a besoin de tes conseils. Donc, je vais déjeuner une première fois avec Philippe Val, dont je découvre et l'intelligence, et le courage, et la détermination à faire de cette grande chaîne qu'est France Inter, de nouveau une grande chaîne culturelle généraliste. On a comme ça plusieurs discussions, et je crois que c'est au tout début de l'année 2010 que Philippe me dit, écoute, voilà, on a d'une certaine façon travaillé ensemble, on a discuté de la grille, est-ce que tu accepterais de devenir mon adjointe, je pense qu'on formerait un beau et bon tandem. Et je lui dis oui tout de suite. D'abord parce que je pense que j'étais au bout d'un cycle à France Culture. J'adore cette chaîne. Vraiment, parce qu'elle a des capacités extra, elle a une liberté, France Culture, formidable, qu'on n'a pas tout à fait à France Inter. Parce qu'à France Inter, une chaîne généraliste se doit de fédérer du public. Mais je dois dire que l'interlocuteur qui était Philippe Val me faisait penser que je pouvais travailler avec lui sur cette chaîne, parce qu'il avait un projet culturel. Je me suis sentie quand même, comment dire, pas complètement légitime la première année. C'est-à-dire que chaîne culturelle, chaîne généraliste, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même mécanique. Bon. Fallait trouver votre place. Oui, en tout cas, je m'y sens bien. Et je m'y sens aujourd'hui, mais ça n'a pas été tout de suite, légitime. Voilà, et maintenant, si vous voulez, j'adore cette chaîne parce que je pense que c'est une grande chaîne culturelle. C'est-à-dire que les auditeurs de cette chaîne ont besoin de musique, de littérature, de cinéma, d'ouverture aux expositions, d'ouverture sur le monde des idées, d'information et de divertissement. C'est une grande chaîne culturelle, mais dont la forme, dont le ton sont extraordinairement différents de France Culture, mais dont les enjeux et les exigences sont les mêmes. Et donc, quelque part, oui, je m'y sens vraiment bien. En plus, j'ai beaucoup d'estime pour les gens d'Inter qui sont des artisans forcenés, qui sont des gens qui sont penchés sur leur établi et, comment dire, dédiés à leur tâche d'une façon extraordinaire. Et donc, je trouve que c'est un bel endroit pour travailler. Alors, c'est le moment de la question de l'invitée précédente, justement, dans le flot de cette conversation. L'invitée précédente, c'était Sonia De Villers, que vous connaissez bien, Laurent Bloch. Elle anime donc tous les matins l'Instant M, et elle a une question pour vous. Je me suis demandé comment on arrive à faire. Comment on imagine dans sa tête, quand on est directrice d'une radio, une émission, une tranche, une chronique, un rythme, une couleur, un sujet, qu'on le confie à des producteurs, à des journalistes, à des chroniqueurs, et puis que les résultats n'aient pas forcément celui qu'on avait pile dans sa tête. Comment on arrive à faire? Comment on n'est pas profondément pris du désir de faire à la place de ceux qui font, d'être au micro à leur place, d'être au nagra à leur place, d'être aux manettes à leur place? Comment on trouve cette distance-là? Comment on crée cet espace-là pour imaginer des émissions et puis les confier ensuite à d'autres? Comment on fait? On réfléchit, on sait ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a envie d'entendre. Et par conséquent, ben, on choisit la personnalité dont on pense qu'elle sera la plus à même de porter ce projet. Et puis après, il faut à la fois écouter ce qu'on a en soi, parce que malgré tout, c'est ça qui vous porte, et en même temps, écouter ce que peut dire l'autre. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'Augustin Trapenard, quand je l'ai rencontré la première fois pour lui proposer le magazine culturel de 9h, je lui ai parlé magazine. Et qui dit magazine, dit entretien, chronique, séquence, revue de presse, machin, bidule. Bon. Et on a eu beaucoup de discussions avec Augustin, et Augustin, il a tenu pied à pied en me disant, je veux pas d'un magazine, je veux pas de chroniqueur, je veux pas de séquence, je veux faire un entretien au long cours avec l'artiste, parce que la parole des artistes, c'est ce qu'il y a de plus important, il faut l'écouter. Et il avait une telle conviction, Augustin, que je me suis dit, c'est Augustin qui a raison, et c'est Augustin qui avait raison. Ça m'est arrivé pareillement avec Jean-Claude Amezen et Philippe Val, quand on a confié à Jean-Claude Amezen, qui n'avait jamais fait de radio, une émission qui était une émission pas seulement de science, mais d'éthique, de réflexion sur l'environnement, sur le progrès, sur les sciences, avec la philosophie, les écoquilles en musique. on a dit à Jean-Claude, évidemment, de confier une émission et évidemment, tu vas avoir des invités. Et je lui avais expliqué qu'il pouvait avoir un invité ou un premier cercle d'invités et un deuxième cercle d'invités. On a travaillé comme ça, puis hop, on jette... Voilà, il y a du risque, hein. On a acheté Jean-Claude Amezen, j'allais dire, dans l'eau du bain. Et au bout de deux numéros, Jean-Claude Amezen est venu nous voir et nous a dit... Moi, c'est pas mon métier de poser des questions. Mon métier, c'est de réfléchir. Alors, je veux bien réfléchir à voix haute, mais je veux pas avoir d'invité. Et c'est Jean-Claude Amezen qui avait raison. Donc, on a pris le risque, à 11h du matin, sur une radio généraliste, de laisser un homme parler tout seul. Mais c'est ça, le service public. C'est que ça peut être la radio de l'offre. C'est-à-dire qu'on doit prendre des risques. Donc, chère Sonia, je réfléchis beaucoup avec Emmanuel Perrault et les membres de l'équipe de direction sur... Comment on fabrique ce puzzle où il y a de l'information, des émissions culturelles, du divertissement, de la musique? On cherche les bons horaires, on cherche les personnalités qui vont l'incarner. On a une idée, mais après, il faut laisser l'artiste s'exprimer. C'est-à-dire que c'est Augustin Trapenard que j'ai envie d'entendre et pas Laurence Bloch. C'est Sonia De Villers que j'ai envie d'entendre et pas Laurence Bloch. Voilà, c'est pas moi que j'ai envie d'entendre. Moi, je construis... le cadre. Et après, c'est les artistes qui prennent le pas. Et c'est ça, la radio. Alors, je vais terminer avant le questionnaire rapide sur le côté, on va dire, management de la direction d'antenne. C'est vrai que vous avez été journaliste, vous êtes dans l'éditorial, mais la direction d'antenne, c'est aussi beaucoup de management et de relations humaines. Et effectivement, en radio, vous avez, on peut le dire, vous avez des stars, donc effectivement, c'est des égos, donc ce sont des, voilà, des personnalités à ménager et à manager. Oui, mais il faut faire... Encore une fois, moi, je dirais pas tant des stars que vraiment des artistes. Parce que quand le rouge s'allume, c'est eux qui sont en risque. C'est eux qui portent le... comment dire, l'incandescence de l'émission. Donc, moi, le star, ça me... Je veux dire, c'est des personnalités qu'il faut respecter. Vraiment qu'il faut respecter. Mais, au bout du compte, c'est le bien commun qui compte. Donc, c'est la bonne santé de France Inter. Je suis garante de ça. Et donc, quelquefois, oui, je suis obligée de prendre des décisions qui sont des décisions violentes à l'égard des gens qui sont à l'antenne. Je les prends en toute conscience. Quelquefois, je peux me tromper. Mais je pense que voilà, il faut respecter les gens qui sont à l'antenne. Et pas seulement les gens d'ailleurs qui sont au micro, les équipes qui sont autour. Parce que la radio, c'est quelque chose de collectif. Et la constitution des équipes est majeure. Donc, je l'ai vu, là, on a fait une petite fête parce que c'est aussi de la construction d'équipe. Et j'ai vu combien les gens, c'est important qu'ils soient ensemble, qu'ils se respectent, qu'ils s'estiment, qu'ils s'engueulent. Donc, je fais très attention à ça. Et en même temps, il y a le bien commun. C'est-à-dire, avant tout, il y a France Inter. Alors, avant, je reviens un petit peu sur une question. Avant la pause musicale, vous disiez, Vanessa Paradis, Benjamin Biolay, c'est important d'avoir des hommes et des femmes à l'antenne. Pour vous, c'est très important et ça va se ressentir encore plus dans le futur. Pour moi, c'est absolument majeur. Après, je suis pas non plus dans le... Comment dire, mon seul arbitre n'est pas le comptage mathématique. Encore une fois, ce sont les personnalités. Donc, si... Mais il est temps qu'à la radio, on comprenne que le monde est fait d'hommes et de femmes à 50% et qu'il faut donner autant de place aux femmes qu'aux hommes. Ouais, et dans les années à venir, ça va se ressentir. À la rentrée, là, faut qu'on continue. Et puis, il y a aussi la question de la diversité. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est une question très importante, que le ciment social est une question très importante, que la façon dont la société française peut se retrouver est majeure, et que nous, Radio de Service Public, on a un rôle très important dans le fait que cette société plurielle, différente et en même temps unie, se retrouve à France Inter. On termine, Laurence Bloch, avec ce questionnaire rapide. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle? Laura Adler. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? France Inter. Quelle radio vous réveille le matin? Devinez. Quelle radio vous endort le soir? Devinez. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Chez moi le soir, quand je ne sors pas, je ne sors pas beaucoup d'ailleurs. Chez moi le soir, chez moi le matin, je regarde très peu la télévision. Donc j'écoute la radio forcément le matin, forcément le soir, forcément en voiture et toujours en vacances. Mais alors du coup vous avez répondu peut-être à ma question suivante, un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Sur la plage. C'est très précis. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? L'émission de Frémin Merlebach, oui, où je me suis retrouvée dans cet endroit que personne ne connaît, avec un homme, j'ai oublié son nom, mais qui avait monté une maison de la culture qui s'appelait la Maison des Cultures Frontières. Simon, il va être furieux, je pense qu'il vit à Strasbourg, qui était un homme absolument formidable, qui m'a fait rencontrer des gens de toutes conditions, un Frémin Merlebach, et on a réuni ces gens autour de l'antenne, et il y a eu un moment de radio magnifique, parce que de vérité extraordinaire. Oui, c'est mon plus beau souvenir de radio. Non, il y en a d'autres, j'exagère. Il y a Sarajevo, une longue après-midi en direct depuis Sarajevo, une longue après-midi en direct depuis Alger. Ça, c'est aussi des moments de radio. Ça, pour ça, je quitterais quand même volontiers la direction. Oui. Pour retrouver ces grands moments incandescents de Alger, c'était la réouverture du centre culturel français après le terrorisme. Sarajevo, c'était la fin de la guerre. Il y a eu aussi un moment de radio assez formidable au Sénégal sur, il y avait un festival des arts africains. Et ces moments où tout d'un coup, je veux dire, le monde palpite à la radio. Ça, c'est vrai que quelque part, si on peut m'offrir ça, de l'antenne comme ça, de temps en temps, je quitterai peut-être la fonction de direction. Il y a toujours effectivement des reporters sur le terrain, mais est-ce que ça manque encore dans l'antenne de pas faire de plateau vraiment en direct avec de vraies émissions, comme peut-être vous en faisiez à l'époque? Il faut y réfléchir. Je pense aussi qu'il y a des modes radiophoniques qui ont changé. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus... Mais encore une fois, je vous dirais oui pour culture. Inter, faut fédérer. Je suis pas sûre que 4 heures d'antenne en direct d'Alger, ça fédère suffisamment France Inter. Mais la question du terrain est une question que je me pose tout le temps. Maintenant, il faut trouver la bonne heure, le bonjour. C'est une alchimie compliquée. Mais il faut absolument du terrain et du réel à l'antenne. Alors, le pire souvenir, si on a qu'un. Le pire souvenir, ben, y en a pas qui me viennent à l'idée. J'ai pas de mauvais souvenirs. Le Nagra qui marche pas? Non, ça m'est pas arrivé, ça. Curieusement, j'avais toujours un technicien avec moi. J'ai pas le Nagra. Non, le moment le plus quand même. Non, c'est pas le. Oui, le pire souvenir, c'est ma première antenne en direct. Mais ma première antenne en direct, le rouge s'allume. Il fallait juste que je dise France Culture. Il est 7h30 et j'ai cru qu'on entendait mon cœur à l'antenne battre. Ça, mon pire souvenir. Après, ma foi, non. Il y a vraiment eu que de très bons souvenirs. Alors, la dernière question, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio. Quelqu'un qui veut faire des études. D'accord. D'abord faire des études, se construire la tête. Et après, savoir qu'on grandit petitement, qu'on apprend le métier petit à petit. Et donc, aller frapper aux portes et dire, je veux faire de la radio, j'aime la radio, donnez-moi une chance. Mais faire des études généralistes, se construire la tête. Et après, voilà, aller frapper aux portes de toutes les radios. Et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui. Merci beaucoup Laurence Bloch. Merci à vous pour ce 31e épisode de La Mécanique des Ondes. Tous les épisodes, vous les retrouvez sur le www.lamecaniquedesondes.com, sur le www.fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux, bien sûr. À bientôt.